first when I met you for the first time. Yeah. grâce, toi un guerre. Ma only girl. Light in my soul, facing the darkness. Just a naughty day, happiness and my own. This is what I want every day. Thanks and praise for all you grant me. Fallen and sometimes lost. Everything will be nice since you are the most high. It's my portrait. My life, my twangle, my auditor. It's my forte, my weapon. My life, my twangle, my auditor. My auditor. Oh God, protect my life. Take my home, my revenge. Yes, it's my revenge. My revenge. My only reality. Only John knows of what it is. John knows of what it is. Lord have mercy, just only Jah knows. Only bless us, that's what I choose. Almighty creation in our world, that's what we say. It's one for twice, my revenge. My life was twice again, my auditor. It's one for twice, my fortress, my revenge. My life must twang again, my auditor. Only just my four twangs, my weapons. My life must twang again, my auditor. It's my four twangs, my weapons. My life must twang again, my auditor. Ma vie est un polar dont j'ai écrit le scénario. Le parfum de la peur, les nuits fragiles. Les lendemains qui chantent, les deux pieds plantés dans le vide. Le bal touche à sa fin et moi j'ai fini ma chanson. Il n'y aura plus d'image, bientôt il n'y aura plus de son. La jolie dame en noir m'offre sa main. Sans lendemain, le dernier pour la route, le dernier pour la route.

Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Meurica le vendredi soir à partir de 19h jusqu'à 22h. Alors depuis quelques semaines, nous avons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, il était prévu de recevoir Hervé Deroff. Malheureusement, il ne pourra pas être là ce soir hein, puisqu'il avait beaucoup de kilomètres à faire, c'était pas évident et tout ça. Donc, ce qu'on a vu ensemble, on s'est dit, l'émission, on va quand même la faire pour Hervé Deroff. D'ailleurs, on a déjà écouté un petit morceau juste tout à l'heure. Hervé nous appellera de Brest à partir de 20h. Donc il sera là avec nous, sans être vraiment avec nous, mais on va parler du nouvel album. Il y a plein de choses à nous dire, et puis de toute façon, ce n'est que partie remise. On espère bien le retrouver ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel très prochainement. En plus, il avait prévu de venir avec son guitariste, mais bon, il nous en parlera tout à l'heure. En attendant, on écoute de la bonne musique, hein, comme d'habitude. On écoute les artistes de la région, qu'on n'écoute pas forcément dans les autres radios, ce qui est vraiment dommage, parce que moi, je préférerais, à la limite, les écouter que d'écouter d'autres choses dont je ne parlerai pas ce soir. Donc on a écouté Léo avec Kadom. On a écouté Léo qui est venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs on est très fiers de l'avoir reçu et on continue à la suivre, il n'y a pas de souci. Hein. Greg Lucas qui lui aussi était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui nous avait proposé ce CD là qu'on écoute, que j'ai redécouvert après parce que finalement il me l'avait laissé comme ça. C'était son projet solo et puis je l'ai réécouté chez moi. J'ai trouvé ce morceau super génial. D'ailleurs vous l'écoutez depuis quelques temps. Il s'agit de Tonight. On a eu aussi notre ami Youse qui est déjà venu il y a quelques années, il est revenu il y a quelques mois, c'est toujours un plaisir de le retrouver, c'est quelqu'un de formidable et d'exceptionnel, disons-le comme ça. Alors Youse nous a laissé un petit morceau, bien sûr il y a le tube Elle Danse, mais il y a aussi ce petit morceau qu'il nous avait laissé, il dit je crois que ça correspond plus à ton émission. Peut-être, hein, à la limite dans l'émission il n'y a pas vraiment de style, on s'ouvre à tout ce qui est bon, hein, tout ce qui est bon est dans l'émission Mavericast tout simplement. Et donc le morceau qu'on a écouté s'appelle The Refuge. Bon, je sais pas si je l'ai bien dit. Enfin, lui, il le dit beaucoup mieux que moi dans sa chanson. On a écouté aussi notre ami Hervé Deroff. On va écouter plusieurs chansons de lui, puisque c'est finalement notre invité de ce soir. Hein. Hervé Deroff, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Un dernier pour la route. Hein. On commence l'émission avec Un dernier pour la route. Ben, on va peut-être le garder pour la fin aussi. Hein. Il y aura plusieurs morceaux, puisqu'il y a un album complet qui est sorti. Et on a déjà diffusé quelques morceaux dans les émissions précédentes. Donc là, aujourd'hui, il va nous en parler un peu plus longuement. Un morceau aussi que nous avons reçu très récemment, il s'agit de Forever Kleps. Alors, c'est en deux mots et c'est en français. Forever Kleps. Voilà, ce sont nos amis des Kleps. Hein, Jean-Luc Jousse est derrière tout ça, bien entendu. Il était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel déjà pour un autre projet. Hein, il a plusieurs projets. Mais à chaque fois que vous voyez Kleps, et c'est un groupe d'Orléans, c'est Jean-Luc qui est derrière. Donc, Forever Kleps avec le titre qui a le même nom, hein, Forever Kleps. Et puis, juste après, on va écouter nos amis de l'Ajari. On les invite à venir parce qu'il y a un album qui se prépare pour le mois de novembre, donc ce serait bien quand même qu'ils viennent nous le présenter ici au studio dans l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel. On va écouter un morceau qui s'appelle On n'a pas le choix, et on n'a pas le choix, on nous laisse pas toujours le choix, mais en vérité on l'a toujours un petit peu, donc c'est à nous de ne pas nous laisser faire. Voilà, on est dans l'émission Mavrica et on continue avec de la très bonne musique. Restez avec nous jusqu'à 22h.

You sur une chaise longue. Long, long, chaise longue, sur une chaise longue. C'est ça, allongé dans la rivière, et l'on dit qu'est au canal. Allongé à l'été, en soi j'ai vu, on est en soi. J'ai vu ses scènes, non ses hanches, non ses jambes, non son cou. Oui, les tours, c'est ça, les tours. J'ai vu d'entrée les tours, oui, c'est ça, ses paroles. J'ai vu, mais tout être à limite de sa terre. La vie, la vibration, c'est ça, l'on est folle. Oh. La louve au coucher, c'est ça, oui. Les halos des lumières, comme les nuits, c'est ça, oui. Long, long, chaise long, c'est une chaise longue. Une farandole, j'ai fatigué, ça crie. Installée dans bohème, bohémienne, à l'odeur de violette. Oh oui, j'ai vu, j'ai croisé, vu, beauté, écran, souffleur, souffleur sans fin. S'ouvrez, oui, c'est ça. S'ouvrez sa main, j'ai vu. Sa main écrit, rire de l'encre. Oui, j'ai vu amour, effrayement. Serrer ses bras, embrasse, embrasser la paupière au plus près. Oui, c'est ça, parti, par où, par H, Paris, par là. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Mémoire mémorise, mémoire aime odeur, couleur, fleur. Mémoire filtre le feu, calfeutre les désirs. Mémoire mémorise, murmurise. Ritualise, actualise, c'est des mythes, c'est des faits. Remplace mon parfum, sans elle devient, vient d'envie. Fille en flamme, filtre un petit se fait habilité. Les feuilles de fleurs de son visage. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Où est la love, bien la love. Radio Arc-en-Ciel 96.2. Yeah. Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et puis on écoute une jeune artiste voilà qu'on a découvert avec c'est Georgia que lorsqu'elle est venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel qui nous l'a fait découvrir, Georgia Pouliquen qui sera juste après avec Ringoni pour le titre Défends-moi et encore avant on a écouté Jazz Blaze avec Sur une chaise longue, un enregistrement fait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel aussi donc Sur une chaise longue c'était Jazz Blaze et encore avant c'était Évaporé. Je vous conseille vraiment d'aller voir le clip, il est magnifique, la musique est super bien et l'accident instantané donc c'était notre ami Johan Cantourné qui était précédemment la semaine dernière du moins avec nous dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec lequel on a passé un bon moment et ce morceau-là il m'avait dit de le diffuser et c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce qu'il fait habituellement parce que moi j'ai l'habitude de le voir toujours avec sa guitare et là ce côté électronique en plus bah c'est super bien. En tout cas on est dans l'émission Mavrika et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on continue avec un morceau d'Arigoni. Arigoni qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ça fait quelques années et il y a eu une belle rencontre qui s'est faite avec Georgia Pouliquen et il en est sorti le titre que nous allons écouter maintenant sur Radio Arc-en-Ciel, Défends-moi. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Défends-moi face à ce calvaire. Ton aile, tout semble serein. Sur moi, ils ont versé colère, piqué mon âme de leur venin. Ils m'ont fait mordre la poussière quand j'ai crié à l'assassin. Ils pourraient vouloir me faire taire, repousseler dans le ravin. Tu lances tes paroles en l'air. Tomber dans leur piège, que tu me lâcherais jamais la main. Je te cacherai le florilège des sentiments qui sont les miens. Défends-moi, défais leur manège et fais tomber leur fantassin. Tu lances tes paroles en l'air.

marchait de cœur. Chantes-tu encore les idoles que l'on préférait à l'école, tant leurs refrains étaient frondeurs? Que reste-t-il de ces années? Bon an, mal an, moitié-moitié. C'est à peine si j'ai pu les compter. Te rappelles-tu des plaies des bosses que nous récoltions étant gosses dans les rues de notre quartier? Ressens-tu encore la colère quand nous rejetions de nos pères la sacro-sainte autorité? Que reste-t-il de ces années? Avec elles, nous avons changé. On s'en est plutôt bien tiré. Nos folles années, le vent de la jeunesse, nos folles années, la flamme de l'ivresse. Que dire des propos aigres doux, ce qu'on échangeait entre nous, quand nos avis étaient contraires? Vis-tu toujours avec passion pour cette grande révolution qui n'est restée qu'une chimère? Que reste-t-il de ces années? Le temps peut-il réconcilier le rêve et la réalité? Nos folles années, le vent de la jeunesse, nos folles années, la flamme de l'ivresse. Nos folles années, le vent de la jeunesse, nos folles années, la flamme de l'ivresse s'en est allée. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. À l'instant, c'est Jack F. Il est venu déjà à plusieurs reprises avec plusieurs projets dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est vraiment quelqu'un de, il est à fond dans la musique. Et puis, nous, on adore ça, ce qu'il fait. Et j'aime bien ce petit côté. Moi, ça me rappelle un petit peu Gainsbourg. À ses débuts, je sais pas si ça vous rappelle aussi la même chose. Et en plus, quand je lui avais sorti ça, il m'a dit que c'était un compliment parce que c'est un des artistes qu'il adore le plus. Voilà, c'était Nos Folles Années. Juste avant, c'était Mathis Poulain, encore un artiste qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qu'on espère bien retrouver. Je sais que ce soir, il est en concert avec deux autres artistes. Je vous dirai pas où et à quel endroit, mais en tout cas, je sais que c'est aujourd'hui. J'ai pas retenu. Pourquoi? Parce que je suis à la radio et je pourrais pas y aller, malheureusement. Mais sinon, dès que j'aurai l'occasion, il faut aller voir. Il faut y aller, hein, voir Mathis Poulain en concert. Il faut aller voir en général tous les artistes que je vous diffuse dans les concerts, puisque ce sont des artistes la plupart du temps qui sont de la région orléanaise ou d'un peu plus loin. Hein. Par exemple, Mathis Poulain, il est pas très loin. Et il y a aussi notre Hervé Desroffes qui aurait dû venir ce soir. Lui, il vient de Brest et malheureusement, il sera pas là. Mais par contre, on l'aura à partir de 20h dans les studios de Radio Arc-en-Ciel grâce au téléphone, tout simplement. Voilà, le téléphone, ça marche encore. Et puis, donc, il nous contactera vers les 20h. Je propose tout de suite qu'on écoute un petit morceau. Ça s'appelle Une autre danse et c'est tiré de l'album Une autre danse. C'était un précédent album, mais là, tout à l'heure, il viendra pour nous parler du nouvel album. D'ailleurs, l'affiche de l'émission Mavrika, elle est sur le Facebook de l'émission Mavrika aussi, et vous pouvez voir, il a un visage avec constitué de 4 parties. On va lui demander de nous expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure. En tout cas, reste avec nous jusqu'à 22h, c'est l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Moi je les ai essayés, le cœur en bête, le souffle court de combattre les ombres du passé, de mon passé. Il y a des fantômes qui courent, ils dansent avec ma peur et mes regrets. Endors-toi mon bel amour, tous ces fâcheux, je les ferai valser. Et sur la lune,

never dug out. Fucking wobbled to the slab, the simple main of honesty. Lying features on a TV, from this Sunday to good day. When you talk a really too much, when you say how you love us. Fucking pity, fucking pity, fucking pity, lying words. Chrysanthème, je vous hais putain, je vous salis catin, j'aurais dû prévoir, jamais plus d'un soir. Saturne, sale garce, sale brune, propose donc ta lune, qui fera ta fortune. Primitive et chaînon manquant, air d'ortie, pousse de chien d'an. Je referme la parenthèse, pour mon argile, ma terre glaise. Je vous hais putain, je vous salis catin, j'aurais dû prévoir, jamais plus d'un soir. We'll be right back. groupe Angeville sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on a eu la chance de recevoir il y a 15 jours justement un des membres du groupe Angeville. Il s'agit de Polo Paletta, que nous allons retrouver dans des prochaines émissions. Vous inquiétez pas, on vous prépare quelque chose, une petite surprise pour très bientôt. Mais maintenant, on va tout de suite aller retrouver notre invité de ce soir. On va faire le test tout de suite. Allô ? Allô. Ah bah ça marche du premier coup, tu vois, impeccable. Bah ouais. Voilà. j'avais annoncé c'est depuis génial, que pour une fois que ça tu sais, moi j'appuie sur le bouton, après ça marche pas, après je suis pas en tout cas, je suis bien content de te retrouver parce que voilà, je suis un petit peu déçu quand même parce que j'aurais préféré que tu sois ici dans les studios comme tu as l'habitude de venir assez régulièrement. Ouais, en plus, ouais. Il faut le dire, tu viens de Brest. À chaque fois, c'est beaucoup de, un grand voyage. Et en plus, tu avais prévu de venir avec ton guitariste. Ouais, tout à fait. Mais bon. Et de repartir après. Donc, je me dis, oh là là, ça va faire une journée, pas possible. Et malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour que vous jouiez dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, parce que effectivement, il y a un petit problème à ce niveau-là. Bon, il va falloir qu'on essaye d'arranger pour une prochaine fois. Hein. Et tu te dis, ouais, mais dans ce cas-là, si on peut pas jouer, parce que toi, toi, t'es là pour jouer, quoi. T'es un artiste. T'es déjà quelqu'un qui aime bien jouer en direct. Et à chaque fois que tu nous l'as fait, hein, tu amènes ton grand piano. Et cette fois-ci, comme c'était pas possible, on s'est dit bon, tant qu'à faire, c'est pas la peine de faire autant de kilomètres pour juste présenter l'album. C'est déjà beaucoup, hein, présenter l'album, parce que c'est un super album. J'ai eu l'occasion de l'écouter, de le réécouter. On a déjà écouté un morceau tout à l'heure. On va en écouter encore d'autres. Je voudrais que tu nous parles justement de cet album, Hervé. Eh ben, donc c'est mon troisième album. Ouais. On peut citer les autres. Hein. J'en ai passé un tout à l'heure de l'album Une autre danse. Le premier album. Il y a un premier single en 2005. En 2005, alors, attends, faut que, pas que je me paume dans les dates. En 2005, ça s'appelle Un roi sans royaume. Ensuite, il y a eu le premier album, Le voyage. Le voyage, ouais. 2008. Puis Une autre danse en 2010. Et puis. Et puis un 4 titres aussi en 2015 pour l'association Kérez, pour les enfants. Oui, tu étais venu ici nous en parler aussi. Voilà, alors là, pour les enfants malades et puis pour le personnel soignant. Et puis voici l'homme, voilà, enfin qui voici l'homme. Qui va sortir officiellement le 1er octobre déjà de façon numérique et puis en physique plus tard, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est beaucoup d'années. Travail d'écriture, on a été bloqué un peu, j'ai été bloqué, puis on a été bloqué parce que je travaillais avec une équipe quand même, avec le Covid. Ça, bah oui, ça, monde, comme beaucoup de personnes, ouais. Beaucoup d'artistes en tout cas. Ouais, ça, c'était un peu compliqué. Et puis, donc cet album, à la différence des deux autres, c'est que les deux autres étaient sur un label. Là, c'est une autoproduction avec une structure qu'on a montée qui s'appelle CCL Production. Et il y a des gens qui ont contribué, en fait, qui ont pré-acheté l'album, quoi. Donc, c'est aussi grâce à ces contributeurs. S'ils m'écoutent, je leur fais des gros bisous. Et c'est grâce à eux que tout a pu être enregistré, mixé, et voilà. Donc voilà pour l'album Voici l'homme. Voici l'homme. Donc, c'est le titre de cet album-là. Tu as choisi ce nom pour quelle raison? Ça a un double sens. Enfin, voici l'homme, c'est pas voici moi, quoi. C'est voici l'homme au pluriel, quoi. Dans tout ce qu'on peut être, quoi. Et puis une petite référence biblique à Ecce Homo. Ecce Homo, oui. Voilà. Très bien. Et en plus, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, hein, pour présenter ton intervention. On voit sur l'affiche de l'émission Mavrica et sur la couverture de l'album, parce que j'ai repris la couverture de l'album, on voit un homme qui est composé, c'est toi, qui est composé de quatre parties. Ouais. Et ces quatre parties différentes qui te composent, c'est quel est le sens exact de ce montage? C'est un peu ce que je te disais, c'est qu'on est multiples, en fait. Oui, tout à fait. On est voilà, quoi, il y a des jours où on est bonne humeur, mauvaise humeur, on a de l'empathie, ou enfin voilà, tout ça, c'était un peu ça. C'est l'idée, pas de moi, l'idée d'un d'un photographe brestois qui s'appelle Jean-Christophe Poder, en écoutant les chansons, et voilà, il a trouvé ce montage là, donc voilà, qu'on a trouvé intéressant, quoi. Donc il y a des parties où je suis vieilli, voilà, ouais. Il y a pas mal de choses maintenant, donc c'est assez intéressant, quoi. Bah, l'idée c'est ça, quoi, c'est que on a tous c'est pas aussi simple que ça, qu'on a tous plein de facettes différentes, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. c'est bien de l'illustrer comme ça. Je trouve que l'image est très parlante, en tout cas. Et puis le montage très bien fait aussi, hein. Comme tu disais, il y a une partie qui a été vieillie. Ouais. Il y a des parties qui sont noir et blanc, d'autres parties qui sont un peu en couleur. Donc voilà, ça parle, ça montre bien ce que ça veut dire. Voici l'homme, c'est l'album. Cet album, il a combien de titres? 11, voilà, c'est un vrai album, hein. C'est pas un EP ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un album. Tu as mis combien de temps pour enregistrer cet album? Alors, pour l'enregistrer, ça n'a pas été très long, en fait. Mais on a mis le temps, on a mis une semaine. Ah oui, une semaine. Donc vous avez bossé en à fait, fond. Tout était... Moi, je travaille toujours comme ça, en fait, tout était... Après, je fais toujours des pré-prod où, en fait, toutes les parties, je compose toutes les parties, donc les musiciens qui viennent savent ce qu'ils ont à jouer. Voilà, ça leur empêche pas, effectivement, d'avoir leur mot à dire, parce que moi, j'aime bien travailler avec les jeux en équipe, quoi. L'enregistrement, en tout, ouais, une semaine, peut-être 15 jours, un peu moins de 15 jours pour les prises, et puis après, le mixage. Qui est toujours un petit peu plus long parce que c'est délicat, quoi, et mastering. Bah, en tout, un gros mois pour finaliser l'objet, quoi. Mais ça n'a pas été ça, apparemment, le plus difficile, le plus dur, ça a été de choisir les morceaux, de les composer déjà. C'est toi qui fais tout, hein, là-dedans. Hein. Tu fais la musique, tu fais les paroles. Ouais. Paroles de musique, et sur l'album, je suis batteur à la base, donc je fais des batteries, mais il y a un autre batteur aussi qui joue sur deux morceaux, Lionel Prigent, et puis piano, voix, harmonica, et puis après, il y a un guitariste, il y a un bassiste, il y a un violoniste, voilà. Le plus dur, en fait, c'est que j'ai commencé l'écriture de cet album en... je regardais, j'ai été assez surpris, mais ouais... 2014, quoi. Donc du coup, on se retrouve après avec une somme de chansons et il faut faire un choix, quoi. Donc après, moi, le choix, il se fait surtout par rapport au texte, quoi. Enfin, par rapport à une direction, une espèce de cohérence que j'essaie de trouver, en fait, entre les chansons, les textes et les thèmes abordés, quoi. Mmh. Donc t'essaies de, par exemple, par rapport au thème, l'ordre des chansons a été choisi justement par rapport à ça, par rapport à une histoire un peu que tu veux raconter. L'ordre est super important pour moi, en fait, vraiment, c'est mais pas que pour moi, enfin je pense que c'est important par rapport à ça commence par Voici l'homme, ça se finit par l'ombre et la lumière, et voilà, entre les deux, après je parle pas des mêmes thèmes, quoi, mais voilà. C'est un peu un casse-tête à faire, mais c'est assez amusant. Et puis en plus de ça, effectivement, moi je demande aussi aux gens avec qui je travaille, quoi, ce qu'ils pensent de l'ordre et tout ça, parce que des fois, on est toujours en tant que auteur-compositeur dépositaire du projet, quoi. Des fois, moi souvent on me demande quel titre tu veux mettre en avant, quoi. Et je suis pas le mieux placé, en fait. Je suis pas le mieux placé pour savoir quel titre mettre en avant, quoi. Donc, on m'a fait des petits sondages comme ça avec les amis, quoi, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que c'est surprenant, parce que des fois il y a des albums où l'artiste tient plus à une chanson, et puis finalement c'est pas celle-là qui plaît le plus au public, hein. D'autres fois c'est une autre chanson qui plaît plus et qui marche, et mais bon, ça c'est quelque chose qui se contrôle pas, ça c'est dans le transfert de l'émotion, quoi. Tout à fait, hier je t'ai envoyé un SMS avec trois titres. Voilà, moi c'est bon. Après c'est un peu des titres qui reviennent au fur et à mesure, parce que on a recommencé un peu à jouer en live, pas avec tout le groupe parce que pour l'instant on peut pas, mais donc on voit un peu la réaction des gens. Ça c'est toujours intéressant de les jouer en public, entre autres pour ça. Mais effectivement, voilà, quoi, il y a des histoires. de groupes très connus, où par exemple, c'est le manager ou le producteur qui a dit non, c'est ce titre-là qu'on va mettre en avant, alors qu'ils n'y croyaient pas, quoi. Par exemple, exemple énorme, quoi, Staying Alive des Bee Gees, bah, les Bee Gees, ils n'y croyaient pas à ce titre, quoi. D'accord. 37 millions d'exemplaires. 37 millions d'exemplaires. Comme quoi, des fois, il y a des drôles de surprises. Et puis, il y a aussi donc, des ils chansons. Ils pensaient que c'était un bon titre, mais pas celui à mettre en avant, quoi. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'en fait, on a un peu le nez dans le guidon et on sait pas trop. Et en plus, les 11 chansons, quoi, je vais pas tomber dans les clichés, mais c'est nos 11 bébés, quoi. Donc, on les aime toutes, quoi. Donc voilà. Mmh. Mais, c'est bien quand on est entouré avec des gens qui disent, ouais, il y a ça. Et toi, comme en plus tu es batteur professionnel, hein, tu es un batteur, tu accompagnes beaucoup d'autres artistes. Tu peux nous en citer quelques-uns, peut-être qu'on connaîtrait, non? Ah, que vous connaîtriez, non, je pense pas. Non, mais tu peux en citer quelques-uns, hein, voilà. Au contraire, justement, ça j'ai. Oui. Là, actuellement, je travaille avec un groupe qui s'appelle le MacArthur Band. MacArthur Band, c'est un hommage à McCartney et Ben Harper, donc voilà, on fait de ces gens-là. Voilà. Je travaille avec pas mal d'artistes. Qu'est-ce qui me vient? Jeff Traeger, un bluesman breton. Voilà, je travaille avec plein de gens. J'enseigne aussi. Mmh. J'enseigne la batterie, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Maintenant, je fais moins de choses comme ça. Je suis plus vraiment, j'ai toujours été, quoi, mais vraiment sur ma musique, quoi. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà, quoi. Et puis j'ai deux filles qui grandissent, quoi. Hein, ah bah oui, il y a la vie de famille, musicien c'est pas facile, hein. Et puis là en plus avec la période qu'on vient de passer, donc il faut savoir que bah, un musicien lui aussi il doit s'occuper de ses enfants, il a une vie de famille normale et tout ça, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est surtout dans ton cas où tu écris les paroles, tu composes la musique, c'est beaucoup de temps, ça vient pas comme ça, c'est quelque chose que tu construis petit à petit, tous les jours un petit peu, et puis à la fin tu nous fais des superbes albums, on se dit c'est génial, mais c'est pas venu comme ça d'un coup. J'imagine en tout cas. Ah non, des fois c'est magique, hein. Ça vient d'un coup, quoi, mais c'est très rare ça. Hein. Alors quels sont les sujets que tu abordes dans cet album-là et qui t'ont vraiment inspiré et qui t'ont donné envie d'écrire une chanson? Et souvent, quand t'as vraiment envie, comme ça, des fois, c'est les textes qui viennent beaucoup plus facilement parce que t'as un petit peu la rage, t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à annoncer, quoi. Il y a un peu de tout. Parce que du coup, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, quand tu commences à écrire l'album en 2014, 2015 et machin, et qu'il sort en 2021, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ah oui. Donc, évidemment, il y a des chansons que, c'est plus, pour moi en tout cas, plus d'actualité, mais je me fie pas forcément à l'actualité. Moi, j'adore le cinéma, quoi, donc c'est pas mal de choses qui m'inspirent, mais il y a pas mal de trucs qui. J'ai écrit une chanson qui s'appelle La Marche Forcée. Mmh. C'est celle que j'ai calée juste après, hein, juste après l'interview. Bah oui, parce que depuis le début de l'émission, on a quand même déjà passé deux morceaux. On a passé un dernier pour la route. On a passé une autre danse parce que j'avais envie aussi de faire un petit clin d'œil Je savais que tu allais la passer. Parce que tu sais que c'est une chanson que j'adore aussi. Donc voilà. Quand on avait prévu de venir, j'avais dit au guitariste, répète-la parce que sinon il va nous la demander. Je savais. De toute façon, ce n'est que partie remise. On va essayer d'arranger ça pour que la prochaine fois. Oui, t'inquiète. Et puis, moi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Tu le sais bien. Hein. C'est très bien qu'il n'y a aucun problème. Du coup, sur les thèmes, moi, marcheur forcé, ça parle du travail, mais du travail, travail salarié, de ces boulots répétitifs, et puis de tout ce climat autour. Il y a une chanson qui s'appelle Tous mes voeux sur celle-là, par contre, le texte m'est venu d'un coup. J'étais à Paris, dans un bar. Le texte m'est venu d'un coup, quoi. À l'époque, on parlait des retraites et on parlait de, on parlait de, bah, de faire travailler les gens jusqu'à je sais pas quel âge, quoi, et qu'à un moment donné, c'est quoi la vie qu'on a, quoi. Notre vie, c'est pas que le travail, quoi. Ça peut pas être que ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Ça peut pas être que ça. Et puis, en plus, bon, le problème, c'est que les gens, ils ont cotisé pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est en train de nous rallonger le temps, sous prétexte que dans d'autres pays, ils partent en retraite beaucoup plus tard. Ce qu'ils nous disent pas, c'est que dans d'autres pays, ils ont aussi d'autres avantages. Mais ça, on ne cite pas, hein. Par exemple, il y a des personnes qui ont leur retraite dans d'autres pays alors qu'ils n'ont jamais travaillé, ce qui n'existe pas en France, hein, pas tout à fait, hein, sous la même forme. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on tienne compte du nombre d'années et aussi de l'âge. Donc même si on a travaillé assez, ben non, il faut que tu continues, t'as pas l'âge. Et inversement, il y a des gens qui ont l'âge, mais ils ont pas le nombre d'années. Donc voilà, il faudrait peut-être en France, on joue un peu sur les deux côtés, quoi. La chanson s'appelle Tous mes vœux, et en fait, ce serait la lettre qu'un ouvrier pourrait écrire à son patron, quoi. Voilà, quoi. Tu me connais un peu, il n'y a jamais de haine, c'est juste vraiment un constat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre vie, ça ne peut pas être que ça. Quand est-ce qu'on a du temps pour nous? Alors moi, je suis musicien, donc on va me dire oui, pour toi c'est ça. Non, c'est pas vrai, parce que c'est pour moi c'est de travail. Hein. Voilà, effectivement, j'ai pas l'emploi du temps d'un ouvrier dans une usine, quoi. Mais ça c'est sûr. Mais voilà, autrement, il y a d'autres thèmes. Ouais, il y a une chanson qui parle de ma fille. J'en ai deux, mais là ça parle de Clara avait sa chanson dans une autre danse. Maintenant, Louise a la sienne dans Oscillone. Ah, voilà, comme ça, il n'y a pas de jalouse. Au départ, c'est un peu parti de ça, parce que Louise m'a dit, eh, papa, moi, j'ai pas de chanson, quoi. Ah, d'accord. Okay. Donc, il y a aussi une chanson sur la mère de mes filles. Il y a une chanson sur mon enfance, sur mes souvenirs d'enfance. Et voilà, quoi. Il y a plein de choses. Il y a une chanson qui s'appelle Chanson à boire, que tu connais, qui était sur l'album Voyage. Ouais. On a fait une nouvelle version, quoi, qui parle de problèmes. En fait, moi, j'ai rien à cacher. J'ai eu des problèmes avec l'alcool, et puis voilà, quoi. Et puis, qui parle de ça un peu, qui parle de la solitude dans laquelle ça peut mettre les gens. Et c'est toujours pareil. Je suis pas dans le jugement, voilà, quoi. Et après, il y a des choses qui viennent parce que je bouquine pas mal, parce que je regarde aussi les actualités pour entendre des imbécilités parfois qui me hérissent le poil, quoi. Mais ça nourrit un peu la tête et puis la plume, quoi, pour essayer des choses. Voilà, quoi. Mais globalement, c'est pour ça que c'est Voici l'homme aussi. Alors, j'avais cette référence, comme tu l'as compris, à Ecce Homo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'a dit Ponce Pilate avant la crucifixion. Ouais, quand il livre le Christ aux Romains, quoi. Voilà, c'est ça. Pour la crucifixion, oui, tout à fait. Voici l'homme. Donc, comme c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur aussi, mais c'est très personnel, et donc, donc c'était, il y avait un double sens, quoi. La chanson Voici l'homme, c'est un peu, je me décris, là, par contre, moi-même, avec tout ce que je suis, et à la fin, me voici devant toi, Seigneur, voici l'homme, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est des choses qui sont personnelles, dont je parle, et puis qui font partie de moi, de toute façon. Donc, j'ai pas en manqué à 6 fois, donc voilà, quoi. Voilà, en gros. Il y a quand même beaucoup de textes qui te touchent, qui viennent de tes émotions, qui te touchent au point de vue personnel. Est-ce que c'est pas difficile, justement, d'enregistrer ces morceaux et de les interpréter aussi devant les gens, quand tu fais des concerts? Est-ce que c'est pas difficile, justement, parce que tu mets beaucoup de toi, finalement, dans les textes que tu écris? Il y a certaines personnes qui préfèrent écrire en anglais, justement, ils disent comme ça je me cache un petit peu derrière la langue que tout le monde ne comprend pas. Mais toi, tu t'exprimes en français devant des Français la plupart du temps, et bon, ils font attention aux paroles, parce que tu as quand même tu fais beaucoup de chansons à texte. Et est-ce que c'est pas difficile, justement, de se dévoiler comme ça, parce que c'est, il y a beaucoup de paroles qui sont personnelles, quoi. C'est pas Parfois, il y a certaines chansons, on écrit, on est chez soi, tout seul, et puis au moment de les jouer devant les gens, on dit « waouh ». C'est presque impudique, en fait. Mais c'est pas le retour, en fait, que j'ai des gens, quoi. Les gens apprécient, effectivement, que... Mais pour répondre à ta question plus précisément, oui, c'est pas facile. Mmh. C'est pas facile, mais... Mais comme dans tes paroles, il y a aussi des choses vraiment personnelles, il y a aussi des fictions, des choses qui t'ont inspiré, que tu n'as pas forcément vécu, bah finalement tu te caches un petit peu derrière ça, et puis les gens ne savent pas vraiment si c'est ton histoire ou si c'est celle d'un autre, quoi. Alors, c'est peut-être moi des fois je raconte pas mon histoire, hein. Des fois je raconte, enfin, c'est pas observer les gens, quoi, mais c'est imaginer des choses. Dans l'album Une autre main, c'est une chanson qui s'appelle Oublier, qui parle d'un homme qui est condamné à perpétuité en prison, quoi. Mmh. Ce qui est pas mon cas, parce qu'on serait pas au téléphone. Ouais. C'est sûr, vraiment que tu sois dans le couloir de la mort depuis tout ce temps-là, mais bon, je le souhaite pas. Ouais, ouais. Alors ça, oui, par contre, oui, bah, tiens, tu vois, c'est des choses que j'ai vu dans les films récemment, quoi. Voilà, bon, bref, c'est autre chose, on va pas... Ouais, mais c'est quelque chose qui t'a touché, quoi. Finalement, t'avais envie d'en parler, quoi. Ouais, alors, en fait, non. La chanson s'appelle Oublier. Et c'est surtout, je me suis dit, mais si tu te retrouves enfermé comme ça, là, pour toute ta vie, qu'est-ce que tu... Voilà. Donc, moi, le personnage, là, il préfère oublier tout ce qu'il y avait dehors et plus rien espérer, quoi. Alors, ça paraît... Ça paraît un peu pessimiste, même chose, mais en fait, c'est le concept de prison à perpétuité. Alors, j'imagine que les gens qui prennent perpète, ils ont fait des choses graves. C'est pas la question. Mais moi, je suis pas dans le jugement. Je suis juste à essayer de me demander comment tu vis ça. Comment tu vis une chose pareille, ou comment tu vis quand quelqu'un... Alors, là, c'est un autre sujet, quoi, mais un de tes proches, quoi. Comment tu vis ça, quoi. Malheureusement, entre le commencement de l'écriture et la sortie de l'album, il s'est tellement passé de trucs horribles chez nous, quoi, comme le Bataclan et tout ça, quoi, que il y a forcément des choses qui deviennent dans la tronche, quoi. Comment je réagis, Il y a eu pas mal de reportages justement à propos du Bataclan où il y avait des gens qui avaient eu des victimes dans leur famille. Ils nous en parlaient. Et je pense que ça c'est quelque chose qui les a touchés à vie, quoi. Maintenant c'est un traumatisme, c'est quelque chose de vraiment terrible. Et c'est vrai si on se met un peu à la place de ces gens-là, on dit mais comment on aurait réagi nous. C'est quelque chose que c'est ça, invraisemblable. En fait, c'est ça. Ouais. Et c'est qu'en fait, je suis pas un génie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut de temps en temps se poser et se dire, voilà quoi. Ça fait l'objet d'une pièce de théâtre. Il y a un monsieur qui avait perdu sa fille et qui s'adressait aux terroristes en disant, vous n'aurez pas ma haine. Et j'ai trouvé ça tellement énorme. C'est tellement beau aussi parce que finalement, c'est tellement. C'est grand, quoi. C'est formidable. Et en même temps, il les gifle vraiment en leur disant ça. Vous aurez pas ma haine, quoi. Et ça m'avait. Je parle de ça parce que pas parce qu'il y a juste parce que il y a le procès, quoi. Mais moi, quand c'est arrivé, j'ai plein d'amis à Paris et j'ai passé la nuit à passer des coups de fil de partout. Il y a des fois, ça répondait pas. T'es dans une angoisse pas possible, quoi. Et voilà, quoi. Et de dire, vous n'aurez pas ma haine, il a perdu sa fille. On est père de famille tous les deux. Je vois le truc. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et finalement, il a la douleur, une douleur immense, mais qui ne veut absolument pas transformer en haine. C'est ce que les terroristes auraient presque pratiquement voulu. Oui, quoi. Parce que c'est ça qu'ils veulent, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, rendre haineux, quoi. Même pas, voilà. Voilà. Vous m'avez touché dans mon cœur, dans ce que j'ai dans mon sang, dans ma chair, avec mes enfants. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ce qu'il y a de plus cher. Mais vous aurez pas ça. Par contre, vous aurez pas le. Ouais, c'est formidable. Je crois qu'il me semble que l'avoir entendu ce truc-là, et c'est vrai que là, tu me le dis, ça me le rappelle, et j'imagine. Ils ont fait une pièce de théâtre. C'est un one man show. C'est un comédien tout seul sur scène, quoi, qui à partir de ça, ils ont écrit un texte, quoi, et c'est absurde. Enfin, si des gens, voilà, ça s'appelle Voulons être un AN, c'est une pièce de théâtre, vous pouvez la voir sur, sur YouTube, voilà, quoi, qui dure ouais, une heure, hein, comme ça, quoi, et un texte là-dessus, quoi. Donc voilà, ça pour dire que, je suis un être humain, je suis touché par des choses, voilà, quoi, il y a des choses, mais il faut toujours le temps de la digestion aussi, parce que j'écris jamais à chaud. Parce que c'est vrai qu'après le Bataclan, j'avais écrit un texte, et puis, en fait, ben, tu vois, contrairement à ce monsieur, quoi, mon texte, il était plein de haine contre ces gens-là, et du coup, ça fait pas avancer le schmilblick, parce que voilà, quoi. Ouais, en fait, réagir par la même chose que eux, c'est... Même si, soyons très clairs, les gens qui ont fait ça, je les déteste, hein, évidemment. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, quoi, ni d'excuses, ni quoi que ce soit. Ouais, ça a été un peu notre 11 septembre à nous, en France, hein, parce que bon, il y a eu le 11 septembre, tout le monde se souvient ce qu'il faisait le 11 septembre, mais le jour du Bataclan, c'est pareil, c'est quelque chose, je suis sûr que tu te souviens ce que tu faisais ce jour-là, quoi. Je regardais France-Allemagne au Stade de France. Ah ouais, t'étais là-bas carrément? Non, j'étais pas là-bas, j'étais devant ma télé. Je suis devant la télé. Ah d'accord. Oui, je suis à Brest, je suis un vraiment grand passionné de football. D'accord. Et oui, il y avait France-Allemagne. Et on à la deuxième détonation, j'étais avec ma copine et j'ai dit, là, il y a un truc qui... Un truc qui va pas, ouais. D'ailleurs, les joueurs s'étaient arrêtés de jouer en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que c'est dans un stade, ça peut être des pétards, des machins. Oui, tout ça, des quoi. Fois, il y a des pétards. Première détonation, ouais. Mais la deuxième, elle était tellement énorme. Je vous rappelle, c'était, pour te dire, c'était Patrice Evra qui faisait une rentrée en touche et qui a lâché le ballon en regardant l'arbitre et les autres joueurs en disant... Je me souviens de cette scène-là, ouais. On va peut-être rentrer au vestiaire parce que c'est pas un pétard, quoi. Il y a un truc bizarre, ouais. Il y a un truc bizarre. Donc, et le 11 septembre, je me rappelle très, très bien où j'étais aussi, quoi. Et là, moi, tu vois, pour te raconter aussi un petit peu, nous, on était en train de faire l'émission. C'était un vendredi soir, donc ça, on s'en souvient très bien. Oui, c'était un vendredi. Ouais, vendredi, et on faisait l'émission, et j'étais avec David McLean. Et puis, tu lui passeras le bonjour, d'ailleurs. Ouais, bah, je lui passerai le bonjour. Et puis, on était en train de discuter, puis tout d'un coup, en même temps, on consulte Facebook parce qu'on a toujours les petits contacts, on a des gens qui nous envoient des petits messages. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui nous envoient les petits messages depuis tout à l'heure. Hein, c'est toujours très très sympathique et on regardait ça et tout d'un coup on a vu tiens telle personne était en sécurité etc. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, il se passe quelque chose, et là on commence à chercher, on dit voilà dans les actualités, et nous on était complètement à côté de ça, mais quand on a appris ça, ça fait un froid. Il y avait de l'ambiance dans le studio, quand même, on aime bien rigoler, on aime bien la bonne humeur, et là tout d'un coup on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème là. Derrière je crois que l'émission elle a changé complètement de rythme, elle a changé de, voilà, il y a eu je pense que dans la vie de tout le monde ça a été un peu comme ça, quoi. C'est un moment vraiment terrible. Oui. Enfin, de toute façon il n'y a plus rien, tout change, quoi. Très bien. Bon, on va revenir un petit peu à ton album, puisque ton album, donc, il sort le 1er octobre, c'est ça, hein? 1er octobre. Alors, donc, bah, du coup, j'en profite un peu pour... Donc, il sort le 1er octobre, il sera donc sur les plateformes. Donc, j'en profite si les gens m'entendent, là. Oui, bah, ils t'entendent, oui. Donc, sur les plateformes principales, genre iTunes, Apple Music, Deezer, Spotify, et puis sur les autres plateformes, en fait. Donc on est sur une plateforme, en fait, qui s'appelle iMusician, qui distribue sur toutes les autres plateformes, quoi. D'accord, ok. Et là, ils pourront télécharger l'album, voilà. Et après, au niveau physique, tu m'as dit, ça serait pas pour tout de suite encore, parce que... Non, c'est pas pour tout de suite encore, parce qu'il manque encore un peu de sous pour la fabrication de l'objet, quoi, en fait. Qui est d'accord. Plus cher, en fait, que le digital, quoi. Mais ça va pas être dans 100 ans non plus, hein, donc... Et à ce niveau-là, tu as lancé quelque chose au niveau participatif, ou non, il y a... Ben, on essaie de trouver autre chose, parce qu'on a fait une première participation, on a quand même sollicité pas mal de gens, donc... on peut pas solliciter non plus les gens tout le temps, quoi, donc on trouve d'autres solutions, quoi, on va être là-dessus, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, je découvre quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, Moi, j'étais sur une maison de disques avant, quoi. Je suis plus, parce que c'est dur. C'est dur, l'industrie de la musique et du disque, c'est dur. Donc, voilà, quoi. Donc, déjà, on met la clé sous le paillasson. Donc, moi, je me débrouille tout seul. Les albums physiques, on y tient. Je dis on y tient parce que c'est vraiment une équipe, hein, CCL Productions. On y tient parce que, par exemple, vendredi dernier, j'ai joué. Les gens demandent est-ce qu'il y a un CD, quoi. Voilà. Les gens, ouais, en concert, ouais, ouais. Les gens continuent à acheter des CD, en fait. Ça se vend plus tellement dans les bacs. Ça se vend plus tellement dans les bacs, mais ils veulent, après le concert, ils n'ont pas envie d'avoir juste un truc digital sur leur ordinateur, machin, même si c'est bien, hein, c'est pas la question. Ils veulent avoir l'objet, les photos, le truc, le livret complet, et voilà quoi. Donc, ouais, moi je comprends ça, parce que moi je suis un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que je vois un artiste sur une scène et je dis est-ce qu'il y a quelque chose ? Bon, après on me dit oui, on peut télécharger le truc, d'accord, mais s'il y a le CD sur place, je préfère autant avoir le CD. Et puis à la limite, les gens ils peuvent venir te voir et puis te demander de le dédicacer et tout ça, c'est un bon souvenir quoi. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Et là, donc, sur ces plateformes-là, et puis sur d'autres plateformes, alors après, je suis pas super calé, en allant sur iTunes, Apple Music, Deezer, Spotify, ça, c'est les principales, et puis, y en a d'autres, quoi. Et en plus... On peut donner un petit conseil aussi aux gens qui nous écoutent à la radio, RV, ça s'écrit sans H. Voilà. Ah oui, c'est une particularité, mais oui. Non, mais il faut le savoir, parce que les gens qui vont chercher, ils disent, tiens, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai envie de télécharger l'album, ils vont chercher Hervé avec un H, et puis bon, ils vont pas tomber sur toi, hein, directement, à moins que, bon, après, je sais pas si c'est des correcteurs ou des trucs comme ça, mais toi, c'est sans H, voilà, c'est écrit à la manière bretonne, tu m'avais dit, en Bretagne, il n'y a pas de H. Avant, c'était, Hervé, c'est un prénom breton, mais donc il s'écrivait sans H. Mais voilà. Mais après, donc, moi, Hervé Deroff sans H, c'est mon nom d'artiste. Ouais. Mon nom, il s'écrit avec un H, quoi. D'accord. Voilà. Donc, l'album s'appelle Voici l'homme, et donc, il sera téléchargeable à partir du 1er octobre. Du 1er octobre, on l'a déjà envoyé aux contributeurs, gens quoi, qui avaient payé avant, quoi. Donc, voilà, on a des bons retours, quoi. Puis on a hâte. Voilà. Après, si les gens veulent prendre contact avec moi, c'est Hervé Deroff, donc comme tu l'as dit, sans H. C'est la page artiste, quoi, sur Facebook. Mais si tu appelles Hervé Deroff, de toute façon, ils tomberont dessus. Ou alors, s'ils veulent me contacter, je sais pas, est-ce que je peux laisser mon adresse mail ou... Ah oui, tout à fait, oui, tu peux. À la limite, on pourra même le partager sur le Facebook de l'émission, si tu veux. Ouais, on fait comme ça. Je te le donne alors, du coup. Tu me le donnes et puis on va le partager, ouais, il n'y a pas de souci. Alors, c'est E-R-V-E. Deroff, donc il n'y a pas d'accent, il n'y a aucun accent. Donc. Ouais, Deroff avec deux F, voilà. Deux F, comme François. @gmail, oui, je le connais en plus. Parce que on avait échangé par rapport à ça. Faut dire aux gens qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Ça fait plusieurs années. Et je me souviens toujours de la première fois on s'était rencontrés. T'étais venu faire un concert et donc, toi tu es batteur, mais quand tu interprètes tes chansons, tu les interprètes au piano. Donc tu as souvent ton piano et tu alors soit tu as des musiciens qui sont autour de toi ou soit quand tu es tout seul tu es avec ton piano. Et je t'avais rencontré, j'ai dit mais franchement et je me souviens que tout le monde était très attentif à ta musique et aux paroles et je dis mais purée il y a vraiment quelque chose de super avec cet artiste là. Je vais aller le voir à la fin du concert. On avait discuté et puis je dis voilà, moi je fais une émission, je reçois des invités, si un jour tu veux venir dans l'émission mais bon, je sais que tu viens de Brest donc ça fait un peu compliqué. Tu m'avais dit voilà, je suis breton et le breton est voyageur et un jour je viendrai dans ton émission et t'es pas venu une seule fois, t'es venu une fois, deux fois, trois fois et là on a loupé la quatrième mais bon tu reviendras. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, je t'ai pas menti, mais c'est vrai, hein. Ouais. Le breton il voyage, hein. Moi c'est venir à Orléans, et puis en plus bon ben, c'est un plaisir quoi, c'est voilà quoi. Enfin, on l'a fait pour plein de choses et puis on passe du temps et puis moi après tu sais quand je viens à Orléans comme j'ai des potes à Paris bah je prends un jour de plus et puis tu bifurques un petit peu et puis tu vas voir tes amis à Paris. Bien, quoi. Mais puis, de toute façon, le breton, puis une musique, enfin, le musicien qui n'est pas voyageur, il est mal, hein, parce que quand même. Il faut les gens qui vont en tournée. Moi, la semaine dernière, j'avais Johan Cantourné qui était venu ici dans les studios. Il me faisait rêver parce que lui, il a été en Indonésie et tout ça. Il était en Indonésie au moment où il y a eu le début du Covid. Il a fallu qu'il revienne en France et tout ça. Mais bon, voilà, il faut pas avoir peur d'aller dans d'autres pays et tout ça. Et pour défendre sa musique, hein. Justement, je voulais te demander, maintenant que l'album il est sorti, est-ce qu'il va y avoir des concerts? Est-ce qu'il va y avoir des choses de prévues? Ou est-ce que pour l'instant c'est encore un peu trop tôt? Bah, pour l'instant c'est un peu trop tôt parce qu'on c'est encore un peu trouble au niveau de la situation sanitaire, quoi. Ouais. Oui, évidemment, de toute façon, moi je conçois pas. Et puis j'ai envie d'aller les jouer, mes chansons, quoi. Ah bah oui, je sais. J'ai envie d'aller les jouer, ces chansons-là, et puis celles des autres albums aussi, quoi, des albums d'avant, quoi. Donc non, bien sûr. Il n'y a pas pour l'instant de date de prévu, quoi. Mais par exemple, si on peut venir jouer à Orléans, on va pas se priver, quoi. Bah oui, bah justement, il faudrait essayer d'organiser ça pour que tu viennes pouvoir faire un petit concert ici à Orléans, ou même un grand concert, hein, à la limite. S'il y a des organisateurs justement qui peuvent tout recevoir, voilà. À la limite, je vais chercher autour de moi et puis je vais essayer de te donner quelques contacts, comme ça, si ça peut se faire, ouais. Ça peut se faire, hein, voilà. Et pourquoi pas justement venir un vendredi dans l'émission et puis peut-être un samedi jouer à un endroit à Orléans, quoi. Ça serait sympa, quoi. On avait fait, j'étais venu, mais tu te rappelles, c'était pour le Secours Populaire. Mmh. Oui. On avait fait un concert et j'étais venu tout seul, quoi. Après, c'est voilà, le problème, il est, on est assujetti au même souci que tout le monde, c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien venir avec toute l'équipe, mais on est sept et voilà, c'est compliqué de déplacer toute l'équipe. C'est pour ça que si on voit que l'album ça part bien et tout ça, certainement on pourra venir. Voilà quoi. Moi j'aimerais bien venir à Orléans, mais honnêtement, parce que je me souviens de ce premier concert, celui dont on s'est rencontrés, quoi. Ouais. Et vraiment j'avais été touché par la réaction des gens et déjà l'accueil, quoi. On avait fait la route de nuit. Brest, faut le dire, hein, les gens qui connaissent pas Brest, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Après, c'est la mer. Hein. Ouais. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelque temps. Effectivement, c'est. Mais bon, c'est bien si sympa. Si Brest, tu pousses plus loin, t'es dans la flotte. Hein, ah ouais, donc, là, c'est vraiment le bout du bout. Hein. C'est voilà, on est au bout du monde. Et on était arrivé, voilà, 9h, 9h30, il y avait les croissants, le café, tout ça, c'était super, quoi, c'était vraiment, et à chaque fois que je suis venu, et dans ton émission, c'était pareil, quoi, donc voilà, quoi, moi, j'ai un truc avec Orléans, et j'aimerais vraiment venir avec tout le groupe, jouer. Et pourtant, c'est pas la réputation des Orléanais, hein, de bien recevoir et tout ça, on dit qu'on est plutôt froid et tout ça, mais, bon, et après, il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même, paquet, hein. Bah, écoute, moi, franchement, je m'entends en retour. Mais moi, franchement, je peux pas dire que vous êtes pas accueillant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés, voilà. Ouais, je me souviens, c'était avec Patrice. Tu avais vu Patrice. Avec Patrice, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Non, ah ouais, c'était le bon temps, ouais, effectivement. C'était. Ah bah oui, ça a duré. Il y avait pas que moi. Hein, ah ouais, je me souviens. Il y avait un autre groupe. C'était les. Je me souviens de tête. Voilà, ça me revient. C'était les Franquistador ou un truc comme ça. Ouais, Franquistador. Oui, ouais. Oui. Que j'avais contacté, il m'avait dit qu'il viendrait. Ça s'est jamais fait, mais bon, peut-être un jour. Hein, voilà. Ouais, voilà. Mais bon, après c'est selon. Et on avait mangé tous ensemble. Ça avait duré. Voilà, on avait fait plusieurs passages. Il y avait du punch, heureusement que c'est pas moi qui conduisais au retour, quoi, mais voilà. D'accord. Voilà, voilà les bons souvenirs. Ouais, non mais bon. C'était vraiment sympa, quoi, et puis voilà, de fil en aiguille, on est revenu, quoi, on a fait plusieurs émissions, quoi, donc voilà, mais de toute façon, moi, c'est co-substantiel à mon travail. C'est que j'imagine même pas sortir des albums et pas aller sur scène, quoi. Mmh. Pas juste. Toi, t'es un artiste de complet, quoi, finalement, parce que le studio, c'est important, tu écris, voilà. Déjà, dès le début, c'est toi qui fais les morceaux, c'est vraiment tes morceaux à toi. Tu les enregistres, parce que, voilà, tout le monde veut garder un souvenir lors des concerts. Les gens, ils veulent aussi avoir le nouvel album d'Hervé Deroff, donc ils l'achètent. Et après, tu es un artiste qui tourne, quoi. Vraiment, le troubadour, quoi. Le vrai artiste, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des disques et puis ils font pas du tout tourner, hein. Ils vendent des disques et puis c'est tout. Toi, non, tu étais encore là, tu vas devant les gens, tu interprètes tes morceaux, tu défends les morceaux, voilà, c'est alors, on essaye, piano, violon, des fois c'est piano, guitare, on a fait piano, violon à Guingamp. Bon, Guingamp, c'est à 2h30 de Brest, c'est pas grand chose, quoi, et c'est. Même si t'as pas beaucoup de monde, même si c'est le peu de gens que tu touches, et en fait, moi je considère que quand t'écris des chansons, elles doivent sortir de chez toi, quoi. Elles doivent sortir de chez toi, elles doivent vivre, quoi. Ça serait dommage de pas les partager. T'as mis tellement de choses dedans que si tu les gardes pour toi, ben l'intérêt c'est justement d'essayer de la diffuser au maximum, aussi bien à la radio qu'à tes concerts, et puis que les gens soient touchés. Toucher certaines personnes, même on ne touchera jamais tout le monde, voilà. Mais il y a certaines personnes qui vont faire attention. Après, les gens aiment, les gens n'aiment pas, ça c'est encore autre chose, quoi. De toute façon, il y a des choses que j'aime pas non plus, quoi. Mais oui, tout à fait. Alors, toi, tu serais plutôt dans quel schéma? Parce que on en discute ici, moi, avec Michael, le nouveau chroniqueur de l'émission qui vient régulièrement dans l'émission. Et il a dit que lui, il était d'accord pour critiquer. Et moi, non. Moi, je dis, mais je suis qui pour critiquer? Moi, ou j'aime et je le dis, ou alors j'aime pas et je dis rien. Il a dit, si, il faut le dire. Je dis, non. Alors, on en a parlé justement la semaine dernière avec Johan, et lui, il est d'accord avec moi en me disant, voilà, je fais ma musique, je suis content de la faire, je suis en train de... Voilà, mais je veux qu'on me laisse tranquille. Si ça plaît pas, ça plaît pas, et puis c'est tout. C'est rarement constructif quand on dit aux gens qu'on n'aime pas ce qu'ils font. En fait, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est, même si il m'est arrivé, avec d'autres radios, on me demandait... les artistes que j'aimais, donc avec plaisir. Et puis les artistes que j'aimais pas, je dis non, mais les artistes que j'aime pas, et d'ailleurs c'est pour moi ça a pas de sens. Les artistes que j'aime pas, ça veut rien dire. Il y a des gens qui nous marquent. Oui, je t'entends. Il y a des gens qui nous marquent pas, qu'on écoute comme ça et puis on n'aime pas plus que ça. Mais c'est pas pour ça qu'on dit tiens, on va leur planter un couteau ce soir. On va dire que c'est pas bien. On va aller sur YouTube et on va mettre un point à l'envers un doigt à l'envers pour dire que c'est pas bien. Non. Oui, mais non. Moi, mais ça, c'est. Il faut vivre et laisser vivre. Voilà, c'est tout. Moi, je suis comme ça. Oui. Non, moi, je souscris pas. Complètement à ça, je veux pas. Enfin, c'est comme. Je sais à quel point il faut que les gens se rendent compte, qui démolissent en une phrase un travail qui a duré je sais pas combien de temps, ils se rendent pas compte de. C'est pas la peine. Moi, il y a des films que j'aime. J'adore le cinéma. Je l'ai déjà dit. Il y a des films que j'aime pas. Je vais pas envoyer un commentaire pour démonter. Je sais ce que c'est. J'ai fait du cinéma comme figurant. Hein. Je te rassure. J'ai aucun talent d'acteur. Mais j'ai vu de l'intérieur le travail que c'est de faire ça. Et il faut que les gens se rendent compte qu'en fait, t'aimes pas, t'en parles pas, quoi. Moi, je préfère parler des choses que j'aime, quoi. Ben oui, moi, je sais que je suis comme ça. Par exemple, il y a quelque chose qui m'attire, je vais aller vers le truc, mais un truc qui m'attire pas, j'y vais pas, et puis c'est pas grave, je laisse vivre, hein, c'est pas grave, hein. Et puis, forcément, de toute façon, personne ne peut plaire à tout le monde, voilà, c'est tout simple. Ben oui, c'est ça, si on part de ce postulat de base, déjà, oui, voilà. Tout va bien, quoi. Mais, ouais, tout va bien. Après, évidemment, quand on écrit des chansons, quand on fait des films, quand on écrit des livres, on a envie que ça plaise à beaucoup de gens, et ça, c'est normal, parce que, voilà, on fait pas ça que pour ça, mais quand même, quoi. Ouais, je pense que quand on est artiste, déjà, on se fait plaisir pour soi-même, et on a envie de partager ce plaisir en se disant, voilà, moi, ça me fait plaisir, j'espère que j'apporte quelque chose aussi aux autres, voilà, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et il y a des commentaires, il suffit, moi j'ai déjà croisé des gens dans la rue qui me disent quand je vais pas bien, j'écoute ton album, ça me fait du bien. Waouh, bah ouais, je suis payé là je suis payé. Ouais, c'est vraiment. Ça. Tu vois. Ouais. Je suis payé à plus de 1000, quoi. C'est parce que en fait tu dis bon bah waouh, c'est tellement sincère en plus, quoi. Et donc on se retrouve, tu dis, bon, ben, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. J'ai pas fait ça pour rien, et mine de rien, mais dans n'importe quelle profession, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui font du bien aux autres, quoi. Voilà, je ne prétends pas le faire tout le temps, mais quand tu es arrêté dans la rue, ou, je me rappelle, à l'époque d'une autre danse, un mec dans la file était derrière moi, quoi, et c'est sa copine qui m'a tapé sur l'épaule parce qu'il osait pas me demander un autographe parce qu'en fait il venait d'acheter l'album et il adorait, quoi, et c'était rigolo, quoi, parce que voilà, quoi, moi je suis là, je fais mes courses comme toi, quoi, tu vois. Ah bah oui, on est des êtres humains d'abord. Ça va, tout va bien, hein. C'est bon, quoi. Voilà, que c'est quand t'arrives au niveau des Beatles où ça devient insupportable parce que les mecs ils pouvaient plus vivre, quoi, mais ça, ouais, c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Mais bon, je sais que quelque part ça fait plaisir aussi d'être reconnu, hein. Voilà, on fait quelque chose, on essaie de partager quelque chose qui nous fait plaisir avec quelqu'un d'autre. Donc forcément, quand il y a d'autres personnes qui sont impactées par ce qu'on fait, eh ben ça nous fait plaisir. Voilà, c'est humain. Hein. Je pense que voilà, on fait pas ça que pour nous, on fait ça pour le partager. Et puis, après c'est sûr que quand c'est les Beatles et tout ça, ça devient pénible parce qu'eux ils étaient obligés de prendre les hélicoptères pour s'évader, sinon, ils étaient accaparés par la foule et tout ça. Mais ils ont, au bout de 3 ans, ils en pouvaient plus, hein, ils en avaient marre. Hein, ouais, ouais. Mais là, ça se comprend aussi. Mais ça n'empêche pas aussi qu'il y a des gens qui sont assez connus, qui ont beaucoup de talent. J'en connais quelques-uns comme ça et qui sont d'une simplicité. Et souvent, parce que il faut pas croire, c'est pas seulement les gens qui ont beaucoup de talent. Au bout d'un moment, ils sont inaccessibles, on peut pas aller discuter avec eux et tout ça. Non, non, au contraire, des fois, c'est des gens simple, tout simplement, hein. Voilà, c'est... Ah oui, c'est simple, oui, mais voilà, je me suis retrouvé à un concert dans c'était au Bataclan, d'ailleurs, il y a quelques années, et dans la fosse, quoi, et à côté de moi, il y avait Jean-Jacques Goldman, quoi. D'accord. Mais alors, ni vu, ni connu, quoi. Et en fait, tu sais très bien que, tu vas pas aller le voir parce que voilà, quoi, lui il est là, voilà, tranquille, quoi. Et ouais, parce que nous on le connaît, mais pour lui, nous on est inexistant, quoi, il nous connaît pas. Je sais que ça m'est déjà arrivé une fois, on avait rencontré un artiste, c'était Claude Brasseur, hein. On l'avait rencontré dans un aéroport et on était là et on était à 2 mètres de lui. Et après, j'étais avec une personne, j'étais accompagné, on m'a dit on va le voir. Je dis ben non, tu vas aller le voir, pourquoi? Nous on le connaît, mais lui, on va pas l'embêter, on va le laisser faire son voyage tranquille, quoi. Ouais, j'ai après, vu ça comme après, ça. Les gens, ça peut leur faire plaisir aussi, quoi. Mais, mais bon, après, il y a aussi dire, allez, on va aller vers lui, il est peut-être en train d'attendre son avion comme nous, et puis, il a peut-être pas trop envie qu'on aille le voir, quoi. Bon, voilà. Mais bon, c'est sûr, c'est toujours un moment d'hésitation, mais bon, à la fin d'un concert, il faut quand même pas hésiter à aller voir l'artiste, hein, je pense, hein. Non, ça c'est sûr. Venez me voir quand je jouerai à Orléans. Tout à fait. On va essayer de voir ça. Et puis, à la limite, si on arrive à trouver quelqu'un qui peut t'accueillir dans un concert, un truc comme ça, ben, ça serait super bien que tu viennes faire une émission et puis le lendemain un concert. Pourquoi pas? On va essayer de lancer l'idée et puis je vais regarder autour de moi si ça serait possible. On fait comme ça? D'accord. Bon, okay. En tout cas, merci beaucoup Hervé d'avoir appelé. Merci à toi Albino. Tu as autre chose que tu voudrais rajouter? Parce que bon, on a parlé de plein de choses, mais peut-être il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier. Non, voilà, voilà, je regrette de pas être avec toi parce que j'aimais bien manger les pizzas à la fin de l'émission. Bon. Ouais, ça c'est un peu l'habitude. Étant donné que tu viens de loin, des fois tu arrives ici, tu dis rien manger. J'ai commencé à rien manger. Bah non, là, on est venu pour l'émission. Des fois on arrivait, mais vraiment à l'arrache pour les débuts de l'émission, quoi. Ouais. Et puis on faisait 3 heures d'émission, quoi. Et à la fin, moi j'étais mort de faim, j'en pouvais plus. Quoi. C'était un truc. Mais il y avait toujours 50 000 pizzas, quoi. Hein. C'était un truc de fou, hein, quand même. Hein. Ouais, bah oui, quand c'était comme ça, on commandait des pizzas, comme ça au moins on mangeait quelque chose. Et puis en plus, comme on avait des émissions qui étaient très très très longues, bah, on se permettait de faire des coupures pendant lesquelles on envoyait de la musique, et pendant cela, bah, on mangeait, quoi. Tout simplement. Le souvenir que j'ai, c'était que c'était dur de se taper une pizza et de revenir jouer, quoi, derrière. Ouais, parce que, les gens, et voilà, là on est en train de rentrer un peu dans les coulisses de la radio, mais bon, c'est vrai qu'une radio, bah, c'est une radio, hein. On tourne un bouton, il y a des gens qui parlent et tout ça, mais il y a des êtres humains qui sont derrière. Heureusement, hein, il y a encore quelques radios comme ça, parce qu'il y en a beaucoup mais aussi. Moi, je rentre à dessein dans les coulisses de ton émission, juste pour dire aux gens, et aux musiciens, et si toi, c'est des musiciens qui te plaisent, allez-y. Allez-y, c'est super. Bah, tu sais, on a plein de demandes. Et même là, tout à l'heure, j'ai commencé l'émission. On a déjà prévu deux autres émissions. Voilà. Alors, j'essaie de pas en prendre trop d'un coup. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu le Covid, j'avais 6 mois d'avance et il a fallu tout annuler d'un coup. Alors, quand on doit annoncer à toutes les personnes qu'on a invitées pendant 6 mois, les 6 mois qui arrivent, en leur disant, bah non, tout est annulé. Là, on sait plus quoi faire. On attend. Et puis après, ça reprend. Alors là, il y a tout le monde qui me dit, ah, au fait, on aimerait bien revenir. On avait annulé. Donc, c'est quand mon tour ? Je dis, bah oui, mais le problème, c'est que je peux pas recevoir tout le monde d'un coup, donc ça va se faire progressivement. Voilà, il y a pas de souci. Mais bon, dans l'émission, c'est vrai que là-dessus, il y a pas besoin de beaucoup chercher. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent, et puis on essaie de programmer au fur et à mesure les émissions pour recevoir le maximum de personnes et faire découvrir le maximum de bons artistes dans l'émission Mavrika. Voilà. D'accord. Eh ben super. Donc là, tu passes à marche forcée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ben, je repasserai encore un ou deux morceaux. On va encore deux morceaux parce que après, moi, j'ai diffusé de la musique, hein, étant donné que j'ai pas d'invité. J'ai présenté aussi les artistes qui sont déjà venus dans les autres émissions. Mais aujourd'hui, il y a déjà deux morceaux de toi. Je vais encore en passer deux autres, voire trois. Voilà, on va essayer de mettre quand même l'accent sur ce nouvel album que tu m'as envoyé et qui sera donc disponible le 1er octobre. Ouais. Je te remercie, Albino. Bah, merci à toi. Hein. C'est toujours un plaisir. Et puis, à très bientôt. On essaie de se recaler un truc. Et cette fois-ci, on va essayer de trouver parce que on va l'avouer. Le problème, c'est que justement, tu avais l'habitude de brancher ton piano et la guitare cette fois-ci de ton guitariste. Ouais. On voulait la brancher sur une console, mais on peut plus brancher des consoles sur la console. Maintenant, la console de radio, elle est fermée, hein. Et on n'a plus d'accès, on peut plus du tout le faire. Donc, on peut se servir que des micros. Et ça nous posait un problème parce qu'il nous fallait un ampli. On n'a pas le trouvé, voilà, dans le court temps. Mais on essaiera de trouver un, parce que bon, j'ai d'autres pianistes qui viennent ici, ils amènent un petit ampli, ils le mettent devant le micro et ça passe très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, il va falloir qu'on organise ça pour une prochaine. Et puis, il n'y a pas de souci, hein. On fait comme ça. Ah ben, t'inquiète. Je sais très bien qu'on va le faire à partir du moment où on sait, on va trouver des solutions. Quoi. Ouais, ouais. Et là, c'est tombé comme ça. Mais voilà. Mmh. Bon, on a passé un bon moment quand même au téléphone. Bah ouais, tu vois, on avait dit on va parler un petit quart d'heure et puis ça fait presque une heure qu'on est en train de discuter. Comme d'habitude. Voilà, on est bavard, mais en même temps on est content de se retrouver comme ça. Et puis je suis content aussi d'avoir de tes nouvelles et de savoir comment ça va du côté de Brest. Et donc on va attendre pour les concerts. On sait que l'album il sort là bientôt. Qu'après il va falloir attendre pour avoir l'album physique. Mais bon. C'est une question de temps, hein. On se tient au courant là-dessus. Et puis on va essayer de voir pour te faire venir à Orléans pour un concert. On va essayer de voir. Si des gens nous écoutent et qu'ils ont envie de nous contacter, je vais mettre l'adresse mail pour que tu viennes un jour jouer sur Orléans. Voilà. Et que les gens n'hésitent pas si ils ont mon adresse email. S'ils n'arrivent pas à trouver sur les plateformes, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message. Moi, je redirigerai. D'accord. On fait comme ça. Bon, écoute, Dino. Bah, je te remercie encore une fois. Et puis, on se dit à très bientôt. De toute façon, on garde le contact. Dès que tu as de l'actualité, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Moi, je le partagerai sur le Facebook. J'en parlerai aussi à l'émission de radio. Et puis, l'album que tu m'as envoyé, bah, t'inquiète pas, on va continuer à le diffuser dans les prochaines émissions aussi. Lorsque je recevrai d'autres personnes, bah, on diffusera quand même. Je leur dirai, vous connaissez Hervé Deroff, voilà. On va diffuser les morceaux au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Je sais qui le fait. Bah, bon, je te remercie. Bonne soirée, Dino. Bonsoir à tout le monde. Et à très bientôt. Je suis tout seul dans les studios là ce soir, hein, tu vois, du coup. Mais bon, on va dire bonjour à tous les auditeurs, auditeurs et à tous les gens qui ont l'habitude d'écouter l'émission Mavrica et les gens qui te connaissent aussi. Ouais. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. À très bientôt. Ciao. Salut, ciao. Ça va comme un lundi. Vivement vendredi. Mon chef, c'est un con. J'ai pas le choix. Faut bien gagner sa croûte, hein. Je suis un rouage, une puce dans la machine. Je ne vis plus, je fonctionne. Je suis un réflexe imbécile. En ordre et à marche forcée, en ordre et à marche forcée. Je suis un rendement, un employé très sûr, un bon petit soldat, le doigt sur la couture. En ordre et à marche forcée, en ordre et à marche forcée. Très long, je carbure au café. Je peux tenir le coup et rester éveillé. En rang, en ordre et à marche forcée. En rang, en ordre et à marche forcée. Ma tête n'est jamais aux heures qui s'écoulent. Là où je suis, je ne suis pas. Je fais semblant, je déroule. En rang, en ordre et à marche forcée. Seul. planète aux confins d'un univers sans fin. Tu attends que vienne le jour, que la nuit nous délaisse l'ombre sur nos chemins, s'efface au petit matin, tout comme les appels au secours de nos âmes en détresse. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. Le sens, tu rumines en silence et tu recherches en vain un peu de cohérence dans le filament grand, dans le jeu des planètes. Au fond de ta conscience, il y a cette voix qui murmure comme un appel au loin. La lumière de ce monde nous guide à la saison, illumine nos êtres. Des milliards d'êtres humains, seuls de leur avenir. Le jeu touche à sa fin, il reprendra demain sur une autre planète. Une nouvelle étoile sous laquelle nous pourrions voir nos âmes grandir et s'éveiller enfin au mystère qui depuis toujours hante nos têtes.

bon petit blues comme on aime. Voilà, les Shaking Mets qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Francis est venu il y a pas très très très longtemps. Au plaisir de le retrouver très bientôt en concert. Je sais qu'ils ont commencé déjà à faire des concerts. Ils étaient venus aussi au Maverick Live. Voilà, donc un groupe qu'on apprécie beaucoup. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Mad Man Blues. Juste avant, c'était encore un groupe qui a participé aussi à Maverick Live. Il s'agit du groupe Barricade et le morceau qu'on a joué hein, sur la platine s'appelle Gaza. Encore avant, c'était le troisième morceau de notre invité de ce soir qui a malheureusement pas pu venir, mais on est passé pratiquement une heure au téléphone avec lui. Il nous a parlé de son nouvel album qui s'appelle Voici l'homme. J'ai mis les coordonnées sur le Facebook de l'émission Marika. Donc si vous voulez commander son album ou alors le contacter pour le faire venir à Orléans, ça me ferait vraiment plaisir qu'il vienne jouer ici à Orléans. On irait tous le voir, hein. Il y aura pas de souci, on se retrouvera tous là-bas. Et voilà, donc le troisième morceau s'appelle L'ombre et la lumière. Encore avant, c'était le groupe Samsoul avec une reprise d'un groupe mythique des années 70, le groupe Deep Purple, voilà, avec Smoke on the Water, et c'était un morceau qu'ils ont interprété ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était un morceau live dans une Maverika session. Le groupe Samsoul qui lui aussi a participé à un Maverika live, donc un superbe groupe qui était en concert il y a pas très longtemps. J'ai vu ça sur Facebook et je me dis franchement, ils sont super bons et j'ai eu envie de retrouver des enregistrements d'eux. C'est pour ça que je vous les ai passés ce soir. Encore avant, c'était une découverte que j'ai fait il y a quelques temps. Je me souviens plus exactement de quel endroit ils sont. Ils sont pas de la région orléanaise. C'est un groupe qui s'appelle 21 grammes et le morceau qu'on a écouté s'appelle Le jeu des planètes. Et encore avant, c'était notre ami Hervé Desraffes à nouveau avec À marche forcée juste après son intervention téléphonique depuis Brest. Voilà, on continue encore pour un peu plus d'une demi-heure. On a encore plein de morceaux à vous diffuser ce soir et on va continuer tout de suite avec un morceau que j'ai essayé de passer à plusieurs reprises, mais le codage ne marchait pas dans les platines. Cette fois-ci, c'est parti, je pense que j'ai bien fait cette fois-ci. Il s'agit du groupe Upscene, un groupe qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais bon, s'ils ont envie de venir, il n'y a pas de souci, il suffit de me contacter. Le plus simple, c'est le Facebook, ou sinon, après, il y a mavrica@live.fr. Ça peut pas être plus simple, c'est l'adresse mail de l'émission et c'est moi-même qui contacte. Alors s'il y a alors les gens ils sont un peu surpris, ils me disent des fois ah bah dis donc, je croyais que tu ne nous avais pas répondu, etc. Insistez parce que des fois je zappe ou alors je mets de côté et le temps que je revienne, mais normalement je réponds à tout le monde, il y a pas de souci, hein. Je suis pas du genre à dire non, je réponds pas. Je réponds toujours et donc insistez si vous avez envie de venir dans l'émission Mavrica ou si vous avez quelque chose à faire passer à l'antenne, il n'y a pas de souci. On écoute tout de suite Upscene avec Pent Ball. début, je choisirai pas la fin. Il y a comme un malentendu qu'on appelle le destin. Il y a comme une urgence à vivre avant que revienne demain. Et chaque jour qui se tire me laisse un peu sur ma faim. Je respire bien lorsque j'étouffe. Je monte debout. siècle, jamais voyé déjà vieux. J'ai mis le coquet pour réussir à se protéger. J'étais taré, fallait détruire que ces derniers pour devenir leur chef désigné. Je leur carré à souffrir pour leur sang croire ce qu'ils appellent Dieu. Je n'ai pas temps de leur lâcheté, ils en deviennent tous malheureux. Et maintenant je fais le mort. Et maintenant je fais le mort. I don't know how to restart my brain. I don't know how to restart my brain. Come on. Come on. Come on. I don't know how to restart my brain. I don't know how to restart my brain. I don't know how to restart my brain. But come on. Come on. Come on. Come on. But come on. Come on. Come on. Come on. But come on. Leave me down. My mother said you must be clean. Wash your body and your mind too. Espoir de lendemain, mais aujourd'hui.

cette émission arrive à sa fin. Voilà, c'était l'édition numéro 480 et notre invité était Hervé Deroff. On l'a eu au téléphone presque une heure. Il nous appelait de Brest pour nous parler de son nouvel album qui s'appelle Voici l'homme. C'est le dernier morceau que nous allons écouter avant de nous quitter. À l'instant, c'est je reprends un peu tous les titres qu'on a vus depuis tout à l'heure, qu'on a écoutés, parce qu'on est là pour écouter plus que pour voir. Après, c'est votre imagination qui peut travailler. Mais enfin, je regarde en même temps, voilà, forcément, je suis en train de cliquer en même temps pour essayer de voir tous les titres. Voilà, maintenant c'est bon, je peux tous les avoir. Donc depuis tout à l'heure, on avait présenté les Shaky Mates avec Madman Blues, le superbe blues qu'on a écouté tout à l'heure, les Upsine avec Paintball, Chris avec C'est pas ma faute, PLS avec Brain Dead, les Custom avec I Try, les Waterfall avec Welcome to My World, Bruno Bauer qui sera très prochainement dans l'émission Mavrica. Il faut qu'on cale une date simplement. Il viendra ici pour nous présenter un petit peu son travail. Hein. On ne l'a pas encore reçu dans l'émission Mavrica. Le morceau qu'on a écouté tout à l'heure s'appelle Under the Searchlight. Tout à l'heure, c'était aussi Manu Lorca, tu me disais. Willy qui sera avec nous le 8 octobre, voilà, c'est dans 15 jours, hein, tout simplement. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission Mavrica. Voilà, c'était prévu déjà depuis un certain temps. Donc après, on se retrouvera avec Willy le 8 octobre. Hein, donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et on va se quitter avec un morceau qui s'appelle Voici l'homme. C'est le titre de l'album de notre ami Hervé Deroff, qui était l'invité de ce soir. Et puis, on va dire les phrases magiques, que le rock'n'roll soit avec vous. Tout à l'heure, notre ami Polo vous l'a très bien dit. Le rock'n'roll soit avec vous. Everything is gonna be alright et une vie sans musique serait une erreur. Voilà, l'émission Mavrica 480 se termine. On écoute le dernier morceau et puis on se donne rendez-vous à la semaine pas prochaine mais la suivante. Voilà, c'est noté. Le 8 octobre à partir de 19h 19h-22h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, on écoute donc le dernier morceau et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et à dans 2 semaines. Voilà, c'est parti, notre ami Hervé Deroff. À ceux qui tombent, aux fils de pute, aux filles de joie, à la valse des secondes, à la naissance et au trépas, à ceux qui cherchent la vérité, et à ceux qui ne la veulent pas, aux bouteilles vides qui nous apaisent, à tous ces moments où l'on croit, à cette fille qui me sourit, cette fille que je ne connais pas, aux vieilles dames dans les parcs, autant que la mort nous octroie, aux chansons qui nous consolent, et à celles que je n'écrirai pas, à ce flot de paroles qui parfois nous étouffe, et au silence lorsqu'enfin il s'essouffle. À nos ennemis si chers, que ferions-nous sans eux? Je sais des amis qui ne feraient pas mieux, au plaisir raffiné de se sentir haï, au coup de tronche que l'on met pour se sentir en vie, aux salopes, aux catins, infidèle, au plaisir que je prends à souiller tes dentelles, à ton ventre gonflé, à nos filles mon amour, aux larmes que j'ai versées lorsqu'elles ont vu le jour, à mes 1000 péchés qui bien souvent m'assomment. Nu devant toi, Seigneur, tu me diras enfin, voici l'homme. obviamente têm de ser diferentes. Finalmente, cartão para João Pinheiro e os seus pares. Verde, amarelo ou vermelho? Verde. Penalti, que é o lance...